13-16, activation orale, étude. Répondez selon les exemples. Vous entendez. 1. L'informatique, ça vous intéresse? Et vous répondez. Oui, je crois que je vais faire de l'informatique. Vous dites ça parce que l'informatique est une matière. Mais si vous entendez... 2. L'ENA, ça vous intéresse? Vous répondez. Oui, je crois que je vais faire l'ENA. Parce que l'ENA est une institution, une grande école. 3. La sociologie, ça t'intéresse? Oui, je crois que je vais faire de la sociologie. 4. Le russe intéresse Colette? Oui, je crois qu'elle va faire du russe. 5. Ah, les langues zoo intéressent Colette. Oui, je crois qu'elle va faire les langues zoo. 6. Les maths vous intéressent? Oui, je crois que je vais faire des maths. 7. HEC, ça vous intéresse? Oui, je crois que je vais faire HEC.